marchons, c'est l'hiver. Ça parle allemand dans nos têtes. Nous ne comprenons pas. Nous nous sentons obligés de courir très loin, très loin, très loin. Les voix restent en nous, comme si les voix savaient que la neige absorbe bel écho. Vers minuit, nous captons les postes de radio de la Pologne. Très loin, très loin. Que dans mes rêves, le visage rouge, les traits jaunes, les têtes mortes des martres, le repos évident sur les robes à pois, le mouvement imperceptible des animaux, de la fourrure sur la peau, du poil le rat qu'on caresse à l'envers, les éblines ont étranglé celles qui les portaient. Ça parle allemand dans nos têtes. Nous ne comprenons pas. Nous nous sentons obligés de courir très loin, très loin. Elles ont poussé de petits cris qui ont fait sourire, sourire. Elles ont poussé de petits cris qui ont fait sourire, sourire.